champ et si le poids de la passion se baisse en douleur. Une fraction de seconde suffit pour que tes rêves s'écroulent. Tes ambitions se déroulent et peu à peu tu coules. Tes sacrifices pour des fils de pute qui n'ont pas de remerciements t'ont servi à rien, tu vis sur ciment. Les yeux remplis de peine, le regret d'être vivant. Tu te demandes si c'est la peine d'agir honnêtement, conditionné pour la survie. Tu es dans le perso de la vie, tu crées ton perso et tu ferais et tu faux perso. Tellement je pense que trop de gens sont perso et d'autres entendent trop. Les arrache-cœurs ont les crocs, les salmons se crachent dans ton dos. C'est trash comme ta cause sous une bâche avec ton rose. C'est qu'il faut un crash du cerveau, le mental à zéro. Comme un mec en Montero, pas de paix gros. Les salopards viennent. J'ai pas d'amour pour les chiennes. Ça vient du côté gauche, garde-le dans ta poche. Car chez toi rien ne les accroche. À part ta gentillesse, ta faiblesse est un délice. Il t'embobine comme un fil dans une hélice. Ne montre pas d'amour, de sentiment, de compassion. Ici le poids de la passion se passe.